Évidemment, on va parler du congédiement de Steven Waite. On a parlé avec Dominique Roussel, l'ancien gardien de but des Ducks d'Anaheim et des Flyers de Philadelphie. Et en ligne, ben, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je lui parle. C'est un honneur pour moi de parler avec l'ancien coach des gardiens de but du Canadien et ancien entraîneur de Patrick Roy, entre autres, François Allaire. Bonsoir, M. Allaire. Bonsoir. Connaissez, semble-t-il, la région pas mal? J'ai su qu'à travers les branches que vous venez de temps en temps au Lac-Saint-Jean, vous avez des amis? Oui, on a des amis au Lac-Saint-Jean. Ça remonte à l'Université de Sherbrooke où il y avait une confrérie assez grande de personnes qui venaient du Lac-Saint-Jean. Donc, moi, j'ai étudié à Sherbrooke. Okay. Et je viens de la région de Mirabel et j'ai toujours resté en contact avec ces gens-là de Chicoutimi, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Saint-Félicien. Donc, quand on a une chance d'aller dans les Monts-Valin ou d'aller... On prend une fin de semaine et on monte au Lac-Saint-Jean. Monsieur Alain, je voulais vous parler évidemment du congédiement d'hier de Stephen Waite. Je veux vous parler un petit peu de... ça fut 2013 que Waite était avec Carey Price. Est-ce que selon vous, ça peut avoir un lien, le fait que Carey ne performe pas cette année? Je vous explique. Souvent, des entraîneurs de gardiens de but et également et son poulain, souvent, quand ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a peut-être une routine qui s'installe. Est-ce que ça peut avoir un lien? Ben écoute, moi, j'ai eu la chance de travailler avec deux athlètes, principalement dans ma carrière. J'ai travaillé avec Patrick pendant 12 ans. Puis j'ai travaillé avec Jean-Sébastien Giguère pendant presque 13 ans. Je n'ai pas senti d'essoufflement dans ces deux cas-là. Par contre, j'avais la chance peut-être d'être un des premiers entraîneurs, comme Patrick, quand il est arrivé dans le pro, était son premier entraîneur de gardien de but. Donc, c'était pas comme son sixième ou septième, puis qu'il avait déjà entendu un paquet d'affaires. Là. C'était tout un nouveau discours qu'on a essayé de créer. Puis à ce moment-là, je pense que les gardiens de but, à l'époque, s'occupaient beaucoup de leur entraîneur de gardien de but parce qu'ils étaient contents d'en avoir un, parce que c'était pas commun dans toutes les équipes. Donc, je pense qu'on passait dans une bonne période de temps comparativement aujourd'hui où les athlètes ont vécu des entraîneurs de gardiens de but depuis qu'ils ont Pee-wee, Bantam, Midget Junior, Ligue américaine. L'été, il y en a un autre qui leur sert d'entraîneur pour aller sur la glace pour l'entraînement d'été. Donc, ils ont un paquet d'intervenants depuis le début qui sont jeunes. Et à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, ça diminue un peu l'effet, on peut dire, je fais attention à mon entraîneur de gardien de but d'une certaine manière. L'époque a changé aussi. Là. Votre époque de Patrick Roy et l'époque également de Carey aujourd'hui. L'époque, le jeu n'est pas le même non plus. Là. C'est une autre époque. À l'époque, on essayait de créer quelque chose. Donc, c'est sûr qu'il fallait arriver en tant qu'entraîneur de gardien de but avec un paquet de nouvelles idées. On essayait de créer un nouveau style. Donc, on avait toujours des échanges qui étaient un peu... Moi, je trouvais que c'était enrichissant parce qu'on essayait de trouver des nouvelles choses. On proposait des choses à l'athlète. L'athlète l'essayait. L'athlète disait non, ça ne marche pas. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'avec l'Internet, pas mal toute la structure se ressemble. Que tu vas être dans un pays ou dans l'autre, tu regardes des entraîneurs, tu regardes des gardiens de but en Suède ou en Finlande ou en Russie ou dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Tout le monde se ressemble un petit peu là, d'une certaine manière. Il n'y a plus beaucoup, beaucoup de courants de pensée. Il y en a un qui revient. Vous êtes un précurseur. C'est vous qui amenez le style papillon à Patrick Roy. Comment il se sentait, Patrick, à l'époque, quand vous avez amené ça? C'est quand même quelque chose de nouveau. C'était nouveau, mais lui, il était content d'une certaine façon parce que j'étais le premier qui donnait la permission de faire ça. Alors que lui, il aimait arrêter les rondelles, aller sur ses genoux pour arrêter les rondelles, mais tout le monde lui disait « faut que tu restes debout ». C'est qu'à ce moment-là, il était pris un petit peu entre son instinct puis qu'est-ce que le monde disait. Puis dans ce temps-là, tu n'avais pas le choix, tu écoutais. Et quand moi, je suis arrivé avec Patrick, j'ai comme donné la possibilité puis la position de dire « oui, si tu aimes ça, on y va, on va le faire comme ça, on va y aller avec qu'est-ce que tu aimes ». Je pense que ça a libéré beaucoup, beaucoup de pression sur ses épaules en tant que gardien de but. Il s'est dit « bon, ben, il y a quelqu'un qui veut que je fasse quelque chose que j'aime. Et en plus, il va me supporter auprès des entraîneurs parce que ça, c'est aussi un gros problème. C'est que si le gardien de but fait des choses puis l'entraîneur-chef n'est pas content, il y a toujours des conflits. Alors que là, moi, je servais un petit peu de tampon entre les deux. J'étais le mur qui recevait les commentaires de l'entraîneur-chef, puis j'essayais de distiller ça pour envoyer ça du côté du gardien de but. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez quand même travaillé avec Patrick. Jean-Sébastien Giguère, qui est un très bon gardien de but également dans le national. Qu'est-ce qui se passe avec Carey Price? De ce que vous voyez là, de votre expérience, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fait que... Ouais, écoute, pour être honnête, là, je vais te le dire, je n'ai pas beaucoup regardé des matchs des Canadiens cette année parce que là, on est centré sur ce qui se passe avec les Panthers. Puis il n'y a pas d'échange, décision cette année. Puis en plus, avec la structure qu'on essaye de créer ici avec les Panthers, avec Roberto, qui est en charge de la nouvelle structure, on a un paquet de choses à faire au niveau des agents libres, au niveau de l'évaluation des athlètes qu'on a dans notre organisation, dans les autres organisations autour de notre section, plus les agents libres en Europe. Donc, on passe des heures à regarder des vidéos, mais on n'a pas passé. Vous n'avez un bon jeune, je pense. Vous avez un bon jeune, je pense, hein, qui succède à Sergei Borovski, qui fait très, très bien actuellement, hein, qui est venu un petit peu. On a, présentement, je pense qu'on a trois ou quatre bons athlètes. On est contents. Drigger, il fait un très bon boulot comme entraîneur, comme gardien adjoint. On a Montembeau dans les mineurs, qui a un très gros potentiel. On a Spencer Knight d'un collège américain qui démontre pourquoi il a été repêché en première ronde. Puis Devin Levy, qui a été le gardien de but à Team Canada lors des championnats du monde, puis qui a été élu le meilleur gardien de but au niveau du championnat du monde. Donc, on a quatre jeunes qui sont très intéressants pour nous, puis qu'on essaye d'évaluer de présentement, voir comment on peut les rendre encore plus intéressants. Okay. Donc, à ce moment-là, on est très centré. On n'a pas beaucoup travaillé sur la section canadienne. Ben non, c'est sûr que vous avez pas à vous affronter. Est-ce que c'est bien différent en tant que COVID d'être entraîneur des gardiens de but? Oui, c'est différent parce que tout le protocole, qui rentre en ligne de compte, on ne peut pas, tu sais, comme nous, au niveau du département de gardiens de but, on ne peut pas avoir des relations comme à toutes les autres. On ne peut pas rentrer dans la bulle et sortir de la bulle. Comme on le ferait en temps normal. Donc, tous les échanges sont comme planifiés. C'est plus en Zoom qu'on travaille qu'en direct. Au niveau du match, on ne peut pas se rendre dans la chambre. Ça change beaucoup. Hein? Donc, il y a un paquet de choses qui est différent. C'est sûr que c'est une année différente. Il y a un bon côté et un mauvais côté. C'est sûr que c'est une année différente, donc ça, c'est dur. De l'autre côté, bien, ça nous donne le temps de planifier un petit peu plus notre département puis voir où on peut travailler pour les années à venir parce que bon, c'est une année spéciale et on a le temps de travailler en Zoom puis de travailler en vidéo. Donc, okay. Dernière question, M. Allaire. Est-ce que c'est quoi le pourcentage? Une bonne relation entre son entraîneur des gardiens de but et un gardien de but, là, je pose en général. Là. C'est quoi le pourcentage pour un... Je trouve que maintenant, c'est rendu plus dur pour les entraîneurs de gardiens de but que ça l'était à mon époque. Parce qu'à mon époque, je faisais tout le boulot. J'allais dans les mineurs, j'allais avec le club en haut. Des fois, j'allais faire du dépistage. Des fois, j'allais dans East Coast. Donc, je m'occupais de tout le monde. Tout le monde était toujours content de me voir. Parce que j'arrivais dans la ligne américaine, les jeunes étaient contents de me voir. Je revenais dans la ligne nationale, les gars étaient contents de me voir. Je venais scotter, les jeunes étaient contents de voir qu'il y avait quelqu'un qui s'intéressait à eux. Ou on allait voir un de nos gardiens de but qui jouait dans le junior, il était content de voir que le coach des Canadiens venait le voir. Donc, à ce moment-là, on dirait qu'on était plus dans une relation où tout le monde était content de nous voir. Puis on avait tout le temps un impact. À trois fois qu'on voyait quelqu'un, on avait un impact. Alors que maintenant, je trouve ça un petit peu plus dur pour les entraîneurs parce qu'ils sont collés à un job. Ils sont avec une équipe, avec deux athlètes, à tous les jours pendant toute la saison. Puis ils doivent passer un message qui est original d'un bout à l'autre. Je trouve que c'est pas facile à faire. L'instructeur des gardiens de but, c'est un peu l'équivalent du coordonnateur à l'attaque ou coordonnateur défensif au football. Tu sais, c'est un peu la même affaire, les entraîneurs. Vous avez quand même une bonne réputation. Vous avez été avec Patrick Arroise, vous avez été avec Jean-Sébastien Giguère. Le jeune qui sait ça, est-ce qu'il vous écoute plus? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, t'as, dans Une cette business, crédibilité. tout le monde connaît un peu tout le monde. Ouais. J'espère que oui, quand tu arrives puis tu parles, j'espère que notre expérience rentre en ligne de compte, ça c'est certain. Des fois, on fait un Zoom meeting, puis moi, je suis avec Roberto, puis on parle d'un gars qui joue collège. Ben, c'est sûr que il voit un entraîneur qui a été pendant 32 ans dans un niveau professionnel, puis il voit Roberto qui a joué pendant plus de 1000 matchs en Ligue nationale. À un moment donné, on a des choses à dire qui Ouais. comptent. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, je pense que les jeunes sont au courant de ça. Puis, OK. l'expérience qu'on a, ben, on l'a bâtie, on l'a gagnée. Ben oui, ben oui. C'est pas arrivé gratuitement, là. Est-ce que. J'ai une question, dernière question. Et puis là, c'est vraiment la dernière. Est-ce que Stéphane Waite, le fait que ça n'a pas été un ancien gardien de but, vous avez quand même une notoriété, là, parce que vous avez été comme Patrick, vous avez commencé, vous avez les cicatrices du style papillon, et ainsi de suite. Mais un jeune qui n'a pas gardé les filets comme Stéphane Waite ou peu importe, est-ce que ça, c'est plus difficile que. Non, dans la Ligue nationale, là, présentement, là, je dirais que les deux tiers des entraîneurs de gardiens de but n'ont pas été des gardiens de but dans la Ligue nationale. Ils ont été à différents niveaux, soit universitaires, soit juniors, ou les mineurs. Mais je veux dire, ça prend aussi des qualités de meneur d'homme, ça prend aussi des Ouais. qualités d'observateur, ça prend des qualités pour être un entraîneur qui sont différentes des qualités qu'il faut pour être un bon joueur. Et il y a des athlètes qui sont capables de faire les deux, mais il y a des athlètes qui ne sont pas capables de faire les deux, puis il y a des entraîneurs qui n'ont pas été capables d'être des athlètes, mais sont capables d'être des très bons entraîneurs. OK. Donc, il y a différentes qualités qui sont demandées pour les deux tâches. Puis présentement, dans la Ligue nationale, tu seras surpris, mais il y a plus d'entraîneurs de gardiens de but qui n'ont jamais joué dans la Ligue, mais qui ont acquis au fil des ans des connaissances, puis qui sont des meneurs d'hommes, qui sont capables d'être des bons leaders pour être capables d'accomplir leurs tâches. Parce que toutes les tâches en Ligue nationale, tous les boulots, que ce soit il y a n'importe quel département, ça demande beaucoup d'expertise. Il n'y a pas un job qui est facile, puis ce n'est pas un job Non, c'est sûr. qui est facile à avoir non plus. Merci beaucoup, monsieur Allaire. Très intéressant. Au plaisir de se parler. Puis, ben, bon périple. Puis j'espère que vous allez venir à Saint-Félicien encore ou Debout-Missassignee encore cette année. OK, merci beaucoup. Voilà, donc, l'instructeur des gardiens de but des Panthers de la Floride, François Allaire.